Le pécheur repentant de Léon Tolstoï. Puis il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Je te dis en vérité que tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Luc 23, 42, 43. Il y avait sur la terre un homme de 70 ans qui, toute sa vie, avait vécu dans le péché. Cet homme tomba malade, mais ne se repentit point. Quand sa fin fut proche, pendant sa dernière heure, il se mit à pleurer. « Seigneur, pardonne-moi comme tu pardonnas au larron sur la croix. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'il trépassa. Son âme aima Dieu, eut foi en sa miséricorde, et vola à la porte du paradis. Là, le pécheur se mit à frapper, suppliant qu'on le laissât entrer dans le royaume du ciel. Et il entendit derrière la porte une voix qui disait « Quel est cet homme qui frappe à la porte du paradis? Quel acte a-t-il accompli durant sa vie? » Alors la voix de l'accusateur répondit, énumérant tous les péchés que cet homme avait commis, et il ne cita pas une seule bonne action. Et la voix reprit derrière la porte, « Les pécheurs n'entrent pas dans le royaume de Dieu, va-t'en d'ici. » L'homme dit alors, « Seigneur, j'entends ta voix, mais je ne vois pas ta face et ne sais pas ton nom. » Et la voix répondit, « Je suis l'apôtre Pierre. » Et le pécheur dit, « Aie pitié de moi, apôtre Pierre. Rappelle-toi la faiblesse de l'homme et la bonté de Dieu. C'est bien toi qui fus le disciple du Christ, qui recueillis sa doctrine de sa propre bouche. Tu as eu l'exemple de sa vie. Rappelle-toi, il avait l'âme torturée, et par trois fois, il te demanda de ne pas dormir, de prier. Cependant, tu t'endormis, car tes paupières tombaient de sommeil, et par trois fois, il te surprit dormant. J'ai fait de même. » Et rappelle-toi encore, tu lui avais promis, jusqu'à la mort, de ne point le renier, et par trois fois tu le renias, lorsque le mena devant Caïphe. J'ai fait de même. Et rappelle-toi encore, quand le coq chanta, et que tu sortis en versant des larmes amères, j'ai fait de même. Tu ne peux pas me refuser d'entrer. » Derrière la porte du paradis, la voix se tut. Au bout d'un instant, le pécheur se remit à frapper, suppliant qu'on le laissât entrer dans le royaume du ciel. Et il entendit, derrière la porte, une autre voix qui disait, « Quel est cet homme? Et quels actes a-t-il accompli sur la terre? » Et de nouveau, la voix de l'accusateur répondit, énumérant tous les péchés que l'homme avait commis, et il ne cita pas une seule bonne action. Et la voix reprit, derrière la porte, « Un si grand pécheur ne peut vivre avec nous en paradis, va-t'en. » L'homme dit alors, « Seigneur, j'entends ta voix, mais ne vois pas ta face et ne sais point ton nom. » Et la voix répondit, « Je suis le roi prophète David. » Le pécheur ne se désespéra point. Il resta à la porte du paradis et dit, « Aie pitié de moi, roi David. Rappelle-toi la faiblesse de l'homme et la bonté de Dieu. Dieu t'aimait. Il t'avait placé au-dessus de tous les autres hommes. Royaume, gloire, or, femme, enfant, tu avais tout. Mais une fois, du haut de la terrasse, tu aperçus la femme d'un pauvre homme. Tu le laissas séduire par le péché. Tu pris la femme du riz et le livras lui-même au glaive des Ammonites. Toi, le riche, tu as pris au pauvre sa dernière brebis et tu le fis périr lui-même. Je fis de même. Rappelle-toi encore comment tu te repentis, disant, « Je reconnais ma faute et me repens de mon péché. J'ai fait de même. Tu ne peux pas me refuser d'entrer. » Derrière la porte du paradis, la voix se tut. Au bout d'un instant, le pécheur se remit à frapper, suppliant qu'on le laissât entrer dans le royaume du ciel. Derrière la porte, se fit entendre une troisième voix qui disait, « Quel est cet homme? Et quels actes a-t-il accompli durant sa vie? » Et pour la troisième fois, la voix de l'accusateur énuméra tous les péchés que cet homme avait commis, et il ne cita pas une seule bonne action. Et la voix reprit derrière la porte, « Les pécheurs n'entrent pas dans le royaume du ciel, va-t'en. » L'homme dit alors, « Seigneur, j'entends ta voix, mais je ne vois pas ta face et je ne sais point ton nom. » La voix répondit, « Je suis Jean l'évangéliste, le disciple préféré du Christ. » Le pécheur s'en réjouit et dit, « Maintenant, on ne me refusera pas d'entrer. Pierre et David ne me laisseront pas à la porte, parce qu'ils connaissent la faiblesse de l'homme et la bonté de Dieu. Et toi, tu ne me repousseras pas, parce que tu es pénétré d'amour. N'est-ce pas toi, Jean, l'évangéliste, qui a écrit « Dieu est amour » et qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu? N'est-ce pas toi qui, dans ta vieillesse, aimais à répéter « Frères, aimons-nous les uns les autres ». Comment me mépriserais-tu? Comment me rejetterais-tu maintenant? Ou renie tes propres paroles, ou aime-moi et ouvre-moi le royaume du ciel. » Et la porte du paradis s'ouvrit toute grande, et Jean l'évangéliste serra dans ses bras le pécheur repenti et le laissa entrer au royaume du ciel. Léon Tolstoï.